fuck pas péter un cap. Le way en fesse explose avec ton grenade. Si tout ça fait, ben t'auras la médaille. Et ouais, ça bad, hey. Fesse café, non, me trapper mal tête. La bête con con, moi c'est warm steak. One, two, three, clap, cadre et son tech. Chabine négresse, c'est la même bête. Wine, wine, wine, non-stop. Tap, tap, tap, to the top. Wine, wine, wine, non-stop. Clap, clap, clap. En belle figue, en belle boss fat. Ou glad to deal, le wine and catch. Tapez en les tuisses, sac à battre and clap. Nom, et puis femme qu'a tourné wine and fuck. Fesse café, nom, trapez mal tête. La bête con con, moi c'est warm steak. One, two, three, clap, cadre et son tech. Chabine négresse, c'est la même bête. Wine, wine, wine, non-stop. Tap, tap, tap, to the top. Wine, wine, wine, non-stop. Clap, clap, clap. J'ai le wheel back it up dans la tête. Donc un wheel shot a boy pas la fête. Mi un wheel batting pas en fake. Ouais ça pété sec. Mmm, Mikado.